Bonsoir. Ô temps, suspends ton vol. Après l'heure, c'est plus l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure. Qui veut voyager loin, ménage sa montre. Bien entendu, tout le week-end, l'actualité sera branchée sur le cadran électrique ou non qui vous fera vivre dimanche une journée de 23 heures, mais qui, finalement, ne gagnera pas grand-chose sur le temps que nous avons à vivre, ni sur ce que nous faisons du temps que nous vivons. Ah oui, c'est pas clair. Il est clair que t'es un pur barjo qui aime bien jouer à des jeux qui sont plus vraiment de son âge. Excuse me, brother. I ordered this 2 weeks ago. Can you see if it's arrived yet, please? Just a minute. Eh oui, bienvenue dans Chouette. Ça faisait longtemps, non? Eh oui, écoutez, la vie. On se retrouve pour un top 2022, mon top, giga top. Ça va être un top, ça je le dis dès le début, sans King Gizzard and the Lizard Wizard. Ce groupe incroyable ne sera pas présent dans ce top. Pourquoi? Parce qu'ils ont été extrêmement prolifiques. Je vais pas en parler parce que comme c'est mon groupe préféré, si je me lance là-dedans, ça va durer très longtemps, d'accord? Ça me passionne, c'est foisonnant, donc bon, ça sera pour une autre fois. Cette année, ils ont quand même sorti, si on fait le compte, parce qu'on est là pour ça, on va faire un peu le compte, ils ont sorti Butterfly 3001, album krautrock, synthé modulaire, Les Papillons, tout ça. Ils ont sorti Made in Timeland, qui est quand même un petit album expérimental, patchwork, avec un jeu autour du TikTok, d'une horloge, quoi. Ils ont sorti Satanic Slumber Party, un EP en collaboration avec un autre groupe. Ils ont sorti Omnium Gazerum, quand même un grand album, un gros morceau, hein, celui-là, vraiment... beaucoup de styles, beaucoup de chansons pour le coup. Et donc ensuite, ça a été la triplette, si je puis dire, d'octobre 2022. Ils ont sorti Ice Death, Planet, Lungs, Mushrooms and Lava, qui est un album, jazzy, fusion, la Grèce en short, l'été, Eric Rohmer, tout ça. Qui est un album assez compliqué, je suis pas encore rentré dedans moi personnellement, ça va venir, mais ils ont sorti ensuite Laminated Denim, qui est un anagramme de Made in Timeland, bref, c'est la suite de Made in Timeland, là aussi deux morceaux de 15 minutes, en jam, là vraiment jam pur, à l'ancienne, King Gizzard à l'ancienne, très très bon album, Laminated Denim, pochette faite en jean. Et enfin, Changes, un album fait de claviers et là aussi de chansons, comment on pourrait dire, entraînantes. Voilà, hein, je suis critique. Sans oublier les projets, on va dire, secondaires, comme les Murlocs, dans lequel il y a des membres de King Gizzard qui vont sortir un album, Rapscallion, dont on va s'écouter juste un petit extrait juste après qui va faire la transition avec notre top. Mais voilà, si en fait je parlais de King Gizzard, on parlait que de ça, hein, parce que là ça fait 2, 4, 6, 8 choses, 8 albums, oh là là, non, pas de King Gizzard. D'ailleurs aussi, ce top sera sans classement, pas d'hiérarchie, voilà, mon année en un fourre-tout. Alors 2022 fut assez riche, hein, en sorties musicales, mais j'ai voulu garder la substantifique moelle de mes écoutes, vraiment les morceaux que j'ai le plus écoutés. Voilà, vraiment. Ça sera mieux qu'une rétrospective Spotify, hein. Ce sera hétéroclite, multitonal, bizarre, foisonnant, comme vous voulez. Qu'est-ce que j'entends? Ce petit morceau derrière, on commence avec mes coups de cœur juste après là. We'll be right back. Oui, mes coups de cœur, donc. On va s'écouter 5 morceaux coups de cœur. Et après, 4 morceaux autres qui sont un peu vraiment très cool. Qui sont un peu moins que tes coups de cœur, mais qui sont incroyables quand même. Donc 8 en tout, on est bien quand même, on est bien. Et on va commencer avec un morceau de l'album de Jacques. Vous savez, Jacques, cet amoureux des morceaux faits avec une tuile en guise de roue de vélo, ben voilà, là il est revenu avec un album de chansons, de pop variétoche, psychéesque, club Ibiza vibe. Et en fait, c'est tout simplement une des choses que je trouve les mieux écrites ever. Voilà, tout simplement. En fait, c'est impressionnant comment ça semble naturel de sortir des sons aussi étranges, aussi empreints de vérité. Et le morceau que j'aimerais vous faire écouter, c'est le morceau « Partout ». Et le morceau « Partout », pour moi, il détient la clé, la clé de la sagesse ultime. Vous allez voir, c'est plein de poésie, plein de jeux sur les mots, sur la langue. Et en plus de ça, c'est très beau, harmoniquement, les mélodies sont magnifiques. Grosse, grosse basse hein, au refrain qui fait qui te fait bouger la tête en te disant « Ouais, franchement, la vie, faut être tranquille, quoi. » Et on s'écoute donc « Partout » de Jacques, un morceau bonbon pour les fêtes, plein de sucre. Fendre les croyances, entrer dans la danse, reprendre conscience, comprendre sa chance, vendre de l'avance, vendre de l'argent, vivre largement, vivre par la mort, j'ouvre par les mots, l'œuvre d'un gênant, livré de mes lèvres, la vie du jeune homme, l'aveu du génie, l'avant du genou, l'avant du mignon, la voiture du monde, l'avion du Hyperactif, je vous offre toutes mes actions. Il paraît que tu vois chuter le cours de la vertu. Ça fluctue en faveur d'une faction d'avertis. Ces messieurs me disent que la recette est parfaite. Pense même que la faute est faite exprès. Au paradis, mes potes expat, munis de longues fourchettes, nourrissent la bouchon d'en face. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. J'expérimente, mais je reste pur. J'ai des visions quand je respire. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. Dans la radio de mon esprit, j'entends les astres qui s'expriment. Prends ma main, je t'emmène dans le jardin où les chutes sont sans filet, mais les buts sans gardien. Arrivé au sommet, ton sourire va servir. En cas de perte, je t'en garde un. Mes textes sont concepts, mais le psy est confiant, décidément conscient. Et le titre qui me convient, ce que tu vois n'est pas vraiment moi. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. J'expérimente, mais je reste pur. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. Dans la radio de mon esprit, j'entends les astres qui s'expriment. Apprendre la nuance, perdre sa revanche, prendre ses distances, rendre ses croyances, descendre de l'immense branche qui est en train de craquer, alors qu'on y est tous perchés, avant que la vie vienne nous chercher. Ce qui est entré finira par ressortir. Ce qui est venu ne va jamais revenir. Mais ce qui est parfait depuis toujours perdure. Et c'est comme ça que c'était prévu, c'est tout. L'arbitre est le seul à n'avoir rien vu du tout. Le jeu a lieu à tous les niveaux. On se dit que ça va sauter, mais ça changera pas de sitôt. Les nouveaux savent tout ça. Partout. Porté. Reste pur, respire. Je me cherche alors que je suis partout. Je vais nulle part, je me sens porté. Je fais comme Gain, j'ouvre ta porte pendant que les voisins sont partis. Et on enchaîne sans transition aucune avec un morceau de Algy. Algy, ce morceau de... Algy, ce groupe, pardon. Et oui, c'est bien un groupe de... De pop indépendante anglaise qui a sorti son quatrième album en 2022 avec ce premier single You and Me qu'on va s'écouter tout de suite. Un album quand même vraiment porté sur des teintes calmes, folk, ballade, beaucoup de larmes. Et You and Me a cette particularité d'être hyper nostalgique. En tout cas, ça me renvoie à des souvenirs au skatepark. Et c'est un morceau tout simplement magnifique. Je ne sais que dire de plus, à part que voilà, il tourne et tourne encore dans mes oreilles depuis qu'il est sorti. J'espère que si vous ne le connaissez pas, qu'il vous plaira. Et je vous souhaite bonne écoute. C'était Algy avec le morceau You and Me. Je vous propose maintenant de rester dans le monde anglophone avec un groupe de deux meufs qui viennent de l'île de Wight, cette petite île coincée dans la Manche, j'ai nommé Wet Leg, qui ont sorti un des meilleurs albums de rock alternatif, rock indépendant, je ne sais quoi, de l'année, hein, si ce n'est de la décennie, parce que c'est un condensé de tout ce qu'on aime. Voilà, de la simplicité du songwriting, simple, efficace, c'est drôle, les paroles sont drôles, les paroles sont bien écrites. Que dire de plus, ça chante extrêmement bien. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est que dans tout l'album de Wet Leg, qui s'appelle Wet Leg, tous les morceaux sont bons. Il n'y a rien à jeter. Tout l'album s'écoute et se passe en boucle, mais de manière hyper naturelle. Et c'est incroyable, quoi. Le morceau que j'aimerais passer dans cet épisode s'appelle Too Late Now, trop tard maintenant. C'est le morceau qui clôt l'album. Et c'est un morceau dont les paroles sont un petit peu surréalistes, ironiques. Il y a cette ligne de parole incroyable qui dit que finalement, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un bon bain pour me guider vers un chemin plus spirituel, quoi. Je vous laisse kiffer, c'est Wet Leg avec Too Late Now. This is the kind of life that I saw myself living. I don't need no dating app to tell me if I look like crap, to tell me if I'm thin or fat, to tell me should I shave my rat. I don't need no radio, no MTV, no BBC. I just need a bubble butt to set me on a higher path. Voilà, vous venez d'écouter un des morceaux parfaits de rock alternatif des années 2020. J'espère que vous avez kiffé. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment, tout simplement. Maintenant, on va prendre un bonbon un petit peu plus acidulé, un petit peu plus amer aussi, effet de kaléidoscope torréfié. J'ai nommé All Them Witches, qui, depuis quelques mois, s'amusent à publier des singles sur singles, des singles longs. Et peut-être que c'est leur truc, maintenant ils vont nous publier que des singles qui ont rien à voir entre eux, à part leurs pochettes, qui sont vaguement... qui ont la gueule du test de Rorschach, vous voyez. Et le morceau que j'aimerais passer s'appelle Silver to Rust. Et je vais pas vous passer tout le morceau parce qu'il dure 9 minutes et ça sera un peu long. Je vais vous passer la première partie du morceau parce qu'à un moment, le morceau shift et change totalement d'ambiance, etc. Et juste avant ça, je vais couper. Je me passe, moi, en fait, tout le temps la première partie de ce morceau qui est hyper... hyper stoner, hyper doumesque. Et vraiment, c'est leur but dans la vie. On croirait que c'est de faire une simulation de désert mélancolico, whisky et plein d'acide dans ta tête, quoi. C'est incroyable. Je vous laisse profiter. Mettez une lumière tamisée peut-être chez vous. Si vous conduisez, conduisez peut-être à 20 km/h en moins. Voyez la vie au ralenti avec All Them Witches, Silver to Rust. Voilà, c'était All Them Witches. J'espère que vous voyez des couleurs nouvelles. D'accord ? Des couleurs tombées du ciel, comme dirait l'ami Howard Philip. Pour qu'on s'enfonce encore plus dans le doom, dans l'aspect crasseux des choses, j'aimerais qu'on termine mes coups de cœur par un morceau d'un duo berlinois, basse-batterie, si je ne m'abuse, qui ont sorti leur troisième album, je crois. Et c'est un croisement entre du sludge et un peu de hardcore. Enfin, voilà. En gros, c'est une grosse basse avec un pédalier qui fait la taille de la Russie et une batterie complètement survoltée, comme on dit Hein ? Qui fait le taf, mesdames et messieurs, bien sûr. Une batterie complètement folle, qui tente des trucs de partout. Je trouve ça magnifique. Le son est enveloppant. C'est comme si on se faisait, à l'image de la pochette hein, de leur album, si on se faisait en fait compressé par un gros serpent fait de fuzz, en fait. J'espère que ça va vous plaire. Green, en tout cas, moi j'ai une passion folle pour ce groupe. C'est incroyable, ça me donne envie de tout casser, mais toujours sous acide. Et ça, c'est beau. Je vous laisse profiter donc de Green avec le morceau Apex. Bonjour, c'était Green, ce groupe fabuleux de gros sludge. On va rester dans la vibe toujours psychédélique, toujours hein, ici, avec un autre morceau. Alors là, on n'est plus dans les coups de cœur, on est dans les quatre autres morceaux qui sont incroyables, mais donnés par des gens aussi dont on connaît le talent et qu'il n'y avait pas de surprise, mais c'est incroyable quand même. Bref, le morceau prochain est fait par The Black Angels, et les Black Angels... Bah, c'est les patrons hein, du rock psychédélique, d'inspiration velvet, mais avec une grosse dose de cactus dans le cornet. Là, les Black Angels, voilà, après une grosse période, on ne sait pas trop ce qu'ils font, sont revenus avec un album très, très intéressant. Et le morceau que je voulais vous passer s'appelle History of the Future, l'histoire du futur. Parce que oui, les Black Angels, à force de siroter du cactus, eh bien, ils connaissent l'histoire du futur, tout simplement. Voilà, c'était les Black Angels avec History of the Future. Super mon accent. Maintenant, je vais vous faire écouter un morceau. Alors, on les appelle souvent les King Gizzard au rabais, les Ty Seagull du Franc Prix. Mais non, c'est des vrais petits génies. J'ai nommé les Psychedelic Porn Crumpets. Si déjà avec ce nom de groupe, ça vous donne pas envie d'écouter, eh ben, je ne sais pas. Si vous ne les connaissez pas, mais... restez là et écoutez le morceau que je vais vous passer parce que c'est incroyable, c'est groovy, c'est du rock psyché hyper dansant, hyper groovy. Il n'y a pas que ça, il y a aussi de super ballades, des super mélodies. Par contre, la pochette de ce dernier album ne va pas du tout, mais ça, ça les regarde. Le morceau que je veux vous faire écouter est un banger, mesdames et messieurs. Ça s'appelle Bubblegum Infinity. Et c'est en fait un morceau, vous allez voir, qui donne la pêche. Ok. Si vous êtes en train d'aller au travail, eh ben là, ça va vous donner envie de tout péter. Laissez-vous emporter, danser, je ne sais pas, croquer la vie à pleines dents. Voilà, c'était Psychedelic Porn Crumpets avec le morceau Bubblegum Infinity. Je vous conseille aussi, si ça vous a plu, d'aller voir leur clip, qui est super drôle. On arrive déjà à l'avant-dernier morceau que je voulais vous partager parmi les morceaux que j'ai le plus écouté cette année 2022. C'est un morceau issu du dernier album de Ty Segall, le petit génie de Los Angeles, le filleul de The Osseez. Bref, Ty Segall qui revient avec un album retour aux sources, avec un son très garage, très dur, très primal. Voilà, j'aime Ty Segall quand il est primal. Non, le morceau s'appelle Hello High, c'est le single de l'album. Et je crois que, oui. Ah, ben ils sont déjà là, du coup je vais vous laisser. Quoi ? Mais. Ben allez-y, je vous laisse. Voilà, c'était Ticey Gaul qui nous a coupé. On va se laisser, comme c'est la tradition sur Chouette, sur un morceau. Je ne vous reparlerai pas malheureusement après ce morceau. C'est un morceau, on va dire, long et méditatif que je vous propose d'écouter pour terminer ce top. C'était tous les morceaux que j'ai saignés en 2022. Les morceaux qui m'ont le plus plu, le plus touché, que je réécoute, réécoute encore et encore. Ça m'a fait plaisir de vous reparler de musique. J'espère vous retrouver très bientôt. Et je vous laisse avec un morceau de My Sleeping Karma, un groupe légendaire de stoner instrumental, qui est revenu avec cet album éléphant, cet album éléphant bouddhiste, cet album éléphant hindou même. Et j'ai été très touché par ce morceau, Mukti, qui est un long morceau, vous allez voir, hyper apaisant, méditatif, très progressif, mais pas lourd. Et ça fait du bien à l'âme. Je peux vous dire que vous allez sortir de cet épisode purifié, les amis. Non, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de très très belles fêtes et vous donne rendez-vous en 2023 pour plus de chouettes aventures. À bientôt.